Donc, c'est la tenue que vestimentaire. Alors, la première question, c'est pour ou contre les tenues légères en hiver ou en été? Putain, tu veux nous faire gerber, hein. Bon, allez, vas-y. Bon, si t'es pas content, si t'as envie de gerber, tu vas au chiotte et tu sais tout, d'accord? Ouais, c'est vrai. Oui, c'est parce que au niveau des... Mais ça, bon. J'ai mis de... Alors, pour ou contre... Ah, ça te dérange l'odeur des pieds? Pour ou contre les tenues légères en été ou en hiver? Légères en été. Ouais, légères en été. Réaction des filles, s'il vous plaît. Oui, oui. Les femmes d'abord. Ouais, les femmes d'abord, les enfants après. Allez, Alexandra. Je suis tout à fait pour en été, mais contre en hiver parce que j'ai froid. Gérard, Caramel, s'il te plaît, tu laisses finir. Non, mais c'est pas ça, juste... Caramel, tu laisses finir. Caramel, ferme ta gueule. Non, bon, ça, tu restes poli, tu fermes déjà la sienne. Non, c'est pas ça, mais... Caramel, tu la fermes. Vous entendez les... Caramel, Caramel, tu commences à la fermer. Caramel, tu la fermes. Il y a juste Boss sur Minitel qui dit que lui, la mienne est tombe en hiver. Je pense que c'est assez d'accord, Gérard. Il est tombe en hiver l'année dernière. Je mets des tombes chez moi. La loco, il aimait les tombes. Bon, alors, celui qui parle de la loco, je te préviens d'une chose, tu vas la fermer parce que c'est pas... C'est vraiment un drama. C'est tous les jeudis que vous me balancez ça. Alors maintenant, c'est terminé, vous arrêtez avec ça. Gérard, j'ai dit qu'on parlait pas de la loco. C'est Caramel, donc la loco, c'est le sujet de la semaine prochaine. Bon, alors Caramel, tu dégages. Bonne nuit, Caramel, au revoir à la semaine prochaine. Si tu veux. Bon, au revoir. Si j'ai envie que tu viennes. Au revoir, Caramel. Préférez-vous les jeans ou les jupes? Les jupes, les jeans. Non, ouais, d'accord. Moi, je vais vous dire une chose, que bon, ben, moi, je préfère... Non, moi, je me mets en jupes. Je me mets en jean ou chez moi, je suis en short. La loco, on t'a vu dans les chiottes ici. Non, mais attends. Oh, mais attends, on va parce que c'est là, Max, il va s'énerver, c'est lui qui va vous prendre. Allez, viens, tu vas. Pour ou contre les tenues transparentes en été, t'as rien? Pour, moi, je suis pour. Alors, dans ton nom, contre. Impossible de travailler comme ça sur un débat. Hein. Alors Alexandra, oui. Es-tu pour ou contre? Gérard, arrête de vomir. C'est pas moi, vous arrêtez vos conneries, s'il vous plaît. Il a fait vomir, c'est impossible de parler. Gérard, il a enlevé ses chaussettes. Alors pourquoi que les nanas ne portent pas des cravates? Pourquoi ces mecs portent des cravates toute une journée? Ça suffit, maintenant vous vous calmez, sinon je clore le débat maintenant. Vous calmez la pose de la question. Bon, c'est bon, je pose la question, vous arrêtez. Ça y est. Ça y est, je pose la question. Préférez-vous? Alors, préférez-vous les manches longues ou courtes? Eh, t'as pas dit qu'on a dit, Gérard. Marcel, Vas-y, je t'écoute. Deux pièces parce que déjà c'est plus sympa pour aller vomir. quand t'es grosse parce que t'avais bourré qui dépasse. Ouais, c'est un crâne. Si tu marches pas, tu roules quoi, hein. D'accord. Non, Gérard, il va être tranquille dessus. Bon, la dernière question. Tu mets les points sur tes bras. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les nanas... Pourquoi que les nanas ne portent pas de soutien-gorge sur leur puits? Est-ce que Marcel peut poser la question, Gérard, s'il te plaît? Bon, donc, police pas, quoi. C'est pas ton genre. Pourquoi les nanas ne portent pas de soutien-gorge sur leur puits ou leur chemise? Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'en porte. Moi, ouais. Ouais. T'as vérifié, tu mets les mains à chaque fois? Que les soutiens-gorge leur fait mal. Et Christine, elle est comment tombe alors? Alors là, je ne réponds pas sur Christine. Mais pourquoi tu ne veux pas parler de tes ex? Je ne vous regarde pas. Conclusion. Espèce de puceau écran. Conclusion. Qui trouves-tu? Comment tu me parles? Conclusion. C'est dans la conclusion du débat là. Ici, moi je dirais que si la fille est bien, qu'elle porte n'importe quoi. Tout y va. Oui, va, exactement. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est comme Gérard, en fait, Gérard, ça met n'importe quoi, même si bien en tête poubelle, il aura toujours l'air d'un fou, quoi. Ouais. Attends, je vais m'occuper de toi tout à l'heure. Ouais. Bon, bah moi, je vais conclure là-dessus. Donc, la conclusion du débat, à part que les mecs étaient un peu saoulants. Ouais. Bah, c'est tout ce qu'on a passé dans l'ensemble. Salut. Ouais. Donc, les deux débats de la semaine prochaine, ouais, les pas parasites. Les pas parasites. Les pas parasites.